Missy sol si sol si sol si sol ré si sol mi sol la ré pour faire ré pour faire la ré pour ré si sol mi sol mi sol si sol si sol si sol ré si sol mi sol po si mi sol po si ré si sol mi sol mi sol si sol si sol mi sol mi sol si. Johnny est un chanteur belge de Solène Denis. Quatrième épisode. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Anaïs a ramené un mec. Quoi? Le type là, avec qui elle parlait quand t'es partie du bar. Ouais. Bah, il est rentré avec nous à l'appart. Du coup, j'ai dormi là. Mais je croyais qu'il était de nouveau avec Diane. Ouais, mais avec un mec, c'est pas trompé puisqu'elle aime les femmes. Bah, si elle aime les femmes. Si elle aime les femmes, je vois pas ce qu'il fait dans son lit. Elle se divertit. Oh, j'ai la gueule de bois, moi. Je crois que t'as essayé de me ploter cette nuit. Quoi? À un moment, tu t'es serré contre moi. Bah écoute, j'ai dû te prendre pour Marco, c'est l'habitude de la cuillère. C'est quoi la cuillère? Ouais, tu connais pas la cuillère? Bah tu sais, c'est quand tu te mets contre l'autre dans son dos, ou lui dans le tien, et puis tu t'emboîtes comme deux cuillères. Tu connais pas, c'est bizarre. Sarah, comment tu savais que Marco, ça allait être le père de ta fille? Bah, ça c'est fait, hein, c'est tout. Au début, je l'aimais même pas. Juste, c'était un bon coup. Et puis à force, bah, j'avais envie de le voir tout le temps. Et puis voilà, on a habité ensemble. Et puis après, suite logique, hein, mariage, enfant. C'est là que je me suis rendu compte que quand même ça devait être l'homme de ma vie ou un truc du genre, parce qu'on fait pas ça avec n'importe qui. Alors j'ai su que je l'aimais vraiment. C'est bizarre. Bah comment ça? Bah ça a l'air totalement dénué de passion. Non mais la passion ça dure pas, Julie. À 30 ans faut miser sur autre chose maintenant, ça existe pas le prince charmant. Même si Marco il te fait trop bien à manger. Ça me dégoûte un peu. Quoi, la cuisine italienne? Non! Que l'amour puisse être un truc super calculé, là, super logique, super comme ci et pas comme ça. Bah, c'est comme une entreprise, en fait. Hein? Tu sais, parfois, tu me fais peur. Ouais, mais toi aussi. Quoi, parce que je suis romantique? Non, parce que tu planes à 100 000, Julie. Eh, mais c'est pas parce que je suis pas comme toi que je plane, hein? On peut rêver d'autres choses dans la vie que mariage, bébé, chien, break. Mais t'as pas envie de te poser avec quelqu'un? De fonder une famille, tout ça? Je sais pas. D'un côté, oui, et de l'autre, je sais pas. Si ça devait arriver, ça arriverait, c'est tout. Si ça arrive pas, c'est que c'est pas pour moi, et ça me va très bien comme ça. Non mais Julie, t'écoutes Johnny et tu chiales sous la douche. Et alors? Tu ressens aucune émotion, toi? Je suis traversée d'émotions. Parfois, je pleure et je vide la réserve de flotte, et après, je ris comme une baleine. Et voilà, c'est ça, la vie. Oh, putain, c'est quoi ce temps? Ah, bah c'est Bruxelles, hein. Hype, mais plus vieux. Faites-moi une petite place, là. T'as passé une bonne nuit? Ouais. Il est encore là? Ouais. Il m'a dit qu'il pourrait réparer les toilettes, que c'était rien du tout. Eh bah, non. Dis donc. Il a vraiment dû passer une bonne nuit. T'es con. Non, il est juste serviable. On a typiquement belge. La gentillesse, ça l'est un peu... Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hein, Sarah, il n'y a pas un petit programme? Non, il n'y a pas de programme parce qu'on ne suit jamais le programme. Oh, mais si, on le suivra, allez là! Non, et en plus, il flotte. Mais c'est pas grave! Mais qu'est-ce que t'as complètement hystérique. Bah, elle a fait l'amour toute la nuit. Elle dégouline d'endorphines. Tu peux le rejoindre si tu veux. Il te trouve très mignonne. Ah bon? Non. Non, mais non, passer après une copine, c'est moche. Bon, on sort là, on n'a pas été à l'Atonium. Et on n'a pas acheté de chocolat. Je suis molle. Mais qu'est-ce que t'as? T'es pas le genre de meuf molle sans raison. Mais j'ai envie de voir ma fille. Oh, mais tu la retrouves demain, Ava. Oui, mais ça me fait bizarre, c'est la première fois que je la laisse. Mais tu sais très bien que Marco assure. Tiens, il appelle plus d'ailleurs. Mais tu vois, il a même plus besoin de moi. Mais si, mais c'est chouette, il te laisse profiter de ton week-end avec tes copines. On n'en profite même pas, il pleut, Julie elle chale sous la douche. Toi tu passes la nuit avec un type alors que t'as retrouvé la femme que t'aimes. On fait pipi dans la baignoire, on suit même pas le programme. Oh le petit coup de cafard là, allez, on se lève et on s'arrache. Hein, t'avais pas parlé d'un super endroit au brunché? Et je suis sûre que Julia, la dalle. Grave. Et le belge dans ton lit, on en fait quoi là? Eh bah, il répare les chiottes s'il a envie, puis il claquera la porte en partant quand il sera réveillé. Allez, zou, debout. Debout, debout, debout. On y va. J'aime bien quand t'as la chef femme. Hein. T'as vu, hein? Ouais, tu fais ça très bien. Mais t'as commis, il n'y a pas de voix centrale ici. Voilà. Ça n'a plus de jeune domaine. Un truc qui passe pas. Ça se trouve, il y avait de la cacahuète dans le dessert. Ça y est, ça recommence. Mais si, Sarah, il y avait un goût bizarre. Putain, je suis allergique. Oh, tu vas nous faire un œdème de quick. C'est ça, l'atonium? Bah, t'es jamais venue à Bruxelles ou quoi? Si, mais j'ai pas tout visité comme une tarée. Bon, on monte alors? Tu vas pas nous faire une crise de vertige, Julie, en plus d'un œdème de quick? Non, mais moi, par contre, j'ai vraiment le vertige. Hein. Bah, tu pouvais pas le dire avant? Je sais pas, ça avait l'air de vous faire tellement plaisir de visiter l'atonium quand il pleut. Bon, tu vas encore faire la gueule longtemps ou comment ça se passe là? Mais je fais pas la gueule, je râle. Voilà, j'ai envie de râler, j'ai envie d'être chiante, j'ai envie d'être insupportable. J'ai envie d'être une teigne, une petite teigne, une teignounette. Je peux? Mais oui, ma chérie. Et moi, je fais mon œdème de quick. Et moi, je fais quoi? Toi, t'es le quota bonne humeur en toutes circonstances. Pff, c'est toujours moi, c'est pas juste. Ouais, mais tu fais ça tellement bien. Bon, on monte alors? Sarah? Sarah? Ouais, mais vous me tenez les mains. Allez, viens. Les doigts en papillon. Qu'est-ce que c'est? Attends, regarde. Je te montre. Je sais pas pourquoi je disais ça quand j'étais petite. Les gens qui s'aiment, ils ont les mains en papillon. Oh, c'est joli. Allez, on s'envole avec nos papillons. Va au 16e ciel. C'était Johnny est un chanteur belge, de Solène Denis, avec Maëlys Ricordo, Julie, Élodie Hubert, Sarah, Marie-Odile Weiss, Anaïs, et les voix de Mathieu Rochevarger, Yana Bitnerova, Fosco Perinti, Christina Scagliotti, David Bossian, Christina Crévillen et Yvette Caldas. Bruitage, Patrick Martinache, conseillère littéraire, Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Pascal Deux.